Chapitre 3. Gaspard reçoit une rude correction. Le lendemain, de grand matin, le fermier appela tout son monde. Le temps était superbe. Thomas. Allons, les gars, arrivez tous, à l'ouvrage. Les femmes resteront à la ferme pour soigner les bestiaux et faire des liens. Il faut tout rentrer aujourd'hui. Toi, Lucas, tu vas venir avec nous, et toi, Gaspard, tu vas aider ta mère. Et à 8 heures, tu nous apporteras notre déjeuner dans les champs. Gaspard. Et j'irai à l'école ensuite. Thomas. Pas d'école aujourd'hui, mon garçon. L'ouvrage est trop pressé. Gaspard. Mais mon père, le maître d'école ne va pas être content. Thomas. Laisse-moi tranquille avec ton maître d'école. J'ai besoin de toi et tu resteras. Le fermier alla rejoindre les autres et Gaspard resta immobile et consterné. Pas d'école, pas d'école, répétait-il. Il faut pourtant que j'y aille. J'ai à parler à monsieur Tapfort. Il réfléchit quelques instants, son visage s'éclaircit. « C'est ça » s'écria-t-il. Il courut à la ferme, prit un livre et alla trouver sa mère qui battait le beurre. Gaspard. « Maman, mon père m'a dit de rester à la ferme. Je vais aller reporter au maître d'école un livre qu'il m'avait prêté et je reviens. » La mère. « Va, mon garçon, va. Mais ne sois pas longtemps. J'ai besoin de toi pour m'aider à battre le beurre. J'ai le bras fatigué et je n'ai personne pour me remplacer. Ils sont tous au trèfle. » Gaspard hésita un instant. La pauvre mère suait à faire pitié. Il voyait qu'elle avait réellement besoin de quelques instants de repos, qu'il la trompait en prétextant le livre du maître d'école et qu'il ferait bien d'y renoncer pour ce jour-là. Mais l'amour de l'étude l'emporta et il partit en courant. « Le pauvre garçon !» pensa la mère, « comme il court pour être plus vite revenu. Suis-je fatiguée, mon Dieu, j'en ai les bras engourdis. » Elle continuait pourtant à battre son beurre qui ne voulait pas prendre. La mère, « c'est singulier, il y a plus d'une heure que je bats et le beurre ne prend pas. Gaspard ne va pas tarder à revenir, il n'y a pas loin de chez nous à l'école. » Mais Gaspard ne revenait pas et les bras de sa mère se fatiguaient de plus en plus. Pendant qu'elle s'éreintait, Gaspard, tranquillement assis dans sa classe, écrivait, lisait, calculait. La classe n'était pas encore ouverte, mais il avait demandé la permission de s'y installer. « Parce que, monsieur, dit-il au maître d'école, plus tard je ne pourrai pas. On a besoin de moi à la ferme. Mon père veut m'envoyer au trèfle et je ne veux pas rester en arrière des autres écoliers. » Le maître d'école. « Mais ton père va gronder quand il te saura ici, puisque tu as affaire à la ferme. » Gaspard. « Oh, monsieur, si je l'écoutais, je ne viendrais jamais à la classe. » Il dit que ce sont des bêtises et que je n'ai pas besoin de pas lire sur des livres, que j'en sais bien assez. Le maître d'école. Fais comme tu voudras, on apprend bien des choses dans les livres. Gaspard. Je le sais bien, monsieur, et c'est pourquoi je veux devenir savant comme monsieur Ferréor. En voilà un qui a bien fait son chemin. Le maître d'école. Prends garde, mon ami, d'en vouloir trop savoir, et surtout, ne désobéis pas à ton père. N'oublie pas qu'avant la science vient le respect pour ses parents. Gaspard. « Oh, monsieur, je ne manque pas de respect, allez !» Le maître d'école sortit, laissant Gaspard continuer son travail et lui répétant de ne pas désobéir à son père et de ne venir à l'école que lorsqu'il en aurait la permission. Gaspard étudia avec tant d'assiduité qu'il oublia l'heure, qu'il continua de travailler avec les autres quand ils arrivèrent à 8h30. 9h était sonnée quand la porte de l'école s'ouvrit et Lucas entra précipitamment. « Lucas !» Gaspard, Gaspard, mon père m'envoie te chercher, viens vite. Il est en colère tout plein. Il dit que si tu n'obéis pas, il viendra lui-même te chercher et qu'il te ramènera à grands coups de fouet. Toute la classe s'agita. Le maître d'école dit à Lucas de sortir qu'il troublait la classe. Lucas, mais monsieur, il faut que j'emmène mon frère. Mon père m'a dit de l'amener et même il m'a dit que si vous le gardiez malgré lui, il porterait plainte à monsieur l'inspecteur. Le maître d'école. Allons, Gaspard, allons, mon pauvre garçon. « Il faut obéir à ton père. Pars vite avec Lucas. » Gaspard. « Mais, monsieur, le maître d'école, il n'y a pas de mais, mon ami. Il faut obéir à son père, tu sais. Tu es bon garçon, bien studieux, bien intelligent, bien habile. Tu feras ton chemin, je te le promets. Mais plus tard, quand ton père te laissera faire. » Gaspard se leva en soupirant et suivit lentement Lucas, qui trépignait d'impatience à la porte. Quand ils furent sortis du village, Lucas se mit à courir. « Viens vite, Gaspard, dépêche-toi, si tu savais comme mon père est en colère. Nous attendions le déjeuner qui était en retard. Il a été voir pourquoi tu ne l'apportais pas, il n'était pas déjà trop content. Mais quand il a vu que tu n'avais pas aidé maman à battre son beurre, et que tu étais parti pour l'école, et que pauvre maman était si fatiguée qu'elle ne pouvait plus tourner la baratte, et que le beurre n'avait pas pris, il a été d'une colère à nous faire tous trembler. Bien sûr, il va te battre. Il a été coupé une gaule dans le bois. Je crains que ce ne soit pour toi. » Gaspard hâta le pas et se mit à pleurer. « mon Dieu, que vais-je devenir ? Quand il est en colère, il n'écoute rien. Il tape comme sur une gerbe de blé. » Il courait, pourtant. Lucas courait plus vite encore, espérant adoucir son père avant que Gaspard l'eût rejoint. Mais Gaspard avait perdu du temps à se décider à quitter la classe. Il avait marché lentement jusqu'après la sortie du village. La colère du père avait augmenté au lieu de diminuer. Quand il les aperçut, il alla au-devant d'eux et, sans écouter les supplications de Lucas, sans avoir égard à la terreur de Gaspard, sans dire une parole, il saisit Gaspard par les cheveux et, avec la gaule qu'il tenait à la main, il lui administra une si rude correction que Gaspard commença par crier grâce et pardon, puis par pousser des cris lamentables qui firent accourir la mère et les gens de la ferme. La mère se jeta sur le bras de son mari et lui arracha la gaule qu'il avait si rudement employée. « La mère Thomas, tu as tapé trop fort, Thomas. Quand tu es en colère, tu ne sais plus ce que tu fais. » Le père Thomas, « Oui, j'ai tapé pour qu'il le sente. Et s'il recommence, je taperai plus fort encore. » Gaspard pleurait, Lucas pleurait, la mère Thomas était mécontente, le père Thomas n'était pas content, et les garçons et les filles de ferme se groupèrent autour de Gaspard et de Lucas pour les consoler. Une fille de ferme, « Ne pleure pas, mon Lucas, tu ne seras pas battu, toi. » Une autre fille, « Ah, pour ça non, ce n'est pas toi qui te sauverais à l'école de peur de l'ouvrage. » Un garçon de ferme, « Voyons, Gaspard, faut pas pleurer, mon garçon. Ce qui est fini, et ne recommencera pas. » Un autre garçon, « Tu n'es pas le seul qui ait été battu. Je l'ai bien été, moi aussi, et je ne m'en porte pas plus mal. » Une fille, « Sans compter que tu n'avais pas raison de courir à l'école et de nous laisser tous jeûner. » Une autre fille, « Et de laisser ta mère s'échiner après le beurre, sans seulement lui donner un coup de main. » Le père Thomas, « Aurez-vous bientôt fini, vous autres ? L'ouvrage est en retard à cause de ce grand paresseux. Allons, que chacun prenne sa fourche et son râteau et au champ. Marche en avant, toi, savant. Je finirai bien par t'apprendre ce que tu me sembles ne pas savoir encore, qu'il n'est pas bon de me mettre en colère. » Gaspard marchait trop doucement au gré de son père. Un coup de pied lui fit hâter le pas. Lucas s'approcha du père Thomas. « Mon père, ne battez plus Gaspard, vous l'avez déjà tant battu. » Le père Thomas, « Je l'ai battu et je le battrai encore, s'il me plaît de le battre. Et toi, tu n'as rien à dire, cela ne te regarde pas. » Lucas, « Cela me regarde, car Gaspard est mon frère, et j'ai du chagrin de le voir souffrir. » Le père Thomas, « Laisse-moi donc tranquille, s'il souffre, c'est bien sa faute. » Lucas, « Ce n'est pas sa faute s'il aime l'école et s'il veut être savant. » Le père Thomas, « Savant, joli état que celui de savant. Ce n'est pas les livres qui vous mettent de l'argent dans la poche et du pain dans la huche. » Lucas, « Pas les livres, mais ce qu'ils apprennent. » Le père Thomas, « Ah, ça, vas-tu aussi tourner au savant, toi ?» Lucas, « Ma foi non, je n'en ai guère envie. Mais puisque ça plaît tant à Gaspard, pourquoi l'empêchez-vous d'aller à l'école ?» Le père Thomas, « Parce que j'ai de l'ouvrage pressé, parce que j'ai besoin de lui et qu'il faut qu'il travaille comme les autres. Tais-toi, en voilà assez. » Lucas ne répondit pas. On arriva au champ de trèfle. Chacun se mit à l'ouvrage, mais sans entrain et sans gaieté. Le père Thomas avait fait peur à tout le monde. Quand l'heure du dîner fut arrivée, on s'aperçut en se mettant à table que Gaspard n'y était pas. Le père Thomas, « Où est-il donc, ce petit drôle ? Il nous suivait tout à l'heure. » Personne ne répondit. On avait bien vu Gaspard entrer dans un petit bois qui longeait le chemin, mais on ne voulut pas le dire au père Thomas. Le père Thomas, « Nous dînerons bien sans lui, et s'il revient trop tard, tant pis pour lui. Il se passera de dîner comme il s'est passé de déjeuner. » On mangea en silence, personne ne parlait, personne ne riait. Le père Thomas était mal à l'aise. Il sentait qu'il s'était trop laissé aller et qu'il avait trop battu Gaspard. Le dîner finissait. Quand Gaspard parut, il était pâle et triste. Le père Thomas, « Tu arrives trop tard, Lambin. Nous avons fini. Il n'y a rien pour toi. » Gaspard ne répondit pas. Il allait sortir lorsque Lucas courut à lui. Lucas, « Tiens, mon pauvre Gaspard, voici du pain qui me reste et un œuf dur. Je l'ai gardé pour toi. » Le père Thomas lui lança un regard terrible et lui arracha le pain qu'il offrait à son frère. Le père Thomas, Comment oses-tu lui donner à manger quand je lui en refuse ? Lucas. Parce que je ne fais pas de mal en lui donnant ma part du dîner, et alors je ne crains pas que vous me punissiez. Le père Thomas. Tu sais que je ne veux pas que chacun soit servi à part. Quand on est en retard, tant pis, on attend jusqu'au soir. La mère. Mais Thomas, tu ne sais pas ce qui a retardé Gaspard. Vois donc comme il est pâle. Thomas regarda Gaspard et dit d'un ton moqueur, « Qu'est-ce que tu as ? Tu rages ? C'est ça ta maladie ?» Gaspard continua à garder le silence. Sa pâleur augmenta et il tomba sur un banc. Sa mère et Lucas coururent à lui. La mère, « Mon pauvre enfant, dis-moi ce que tu as !» Gaspard ne répondit pas, il était évanoui. Le père Thomas commença à s'inquiéter, mais il n'osa pas le faire paraître. Il avait peur que l'évanouissement de Gaspard ne fût causé par la correction du matin, car en se débattant entre les mains de son père, il avait reçu des coups sur la tête, sur la poitrine, sur l'estomac, partout où le bâton avait pu l'atteindre. Tout le monde s'empressa autour de Gaspard, qui ne tarda pas à reprendre connaissance. La mère. « Gaspard, mon garçon, tu souffres. D'où souffres-tu » Gaspard, d'une voix faible. « J'ai faim. Je n'ai rien mangé depuis hier. » La mère. « Mais, bon Dieu, pourquoi n'as-tu pas mangé ? Vite, Lucas, donne-lui une assiette de soupe. Elle est encore chaude, je crois bien. » Lucas se dépêcha d'apporter la soupe. Gaspard la mangea avec avidité. La mère. « Mais dis-moi donc, Gaspard, comment il se fait que tu n'aies pas encore mangé à l'heure qu'il est ? 3 heures de l'après-midi. » Gaspard. « Ce matin, j'ai été à l'école, puis j'ai été battu. Mon père m'a fait travailler par là-dessus. Je ne pouvais plus me tenir en revenant des champs. Je me suis couché un instant à la fraîche, dans le bois, mais la faim me pressait. Je me suis relevé et j'ai marché comme j'ai pu. « Tu vois bien, Thomas, » dit la mère d'un ton de reproche. Le père Thomas. « Eh bien quoi ? Il n'y a pas grand mal. Qu'on lui donne à manger et que cela finisse. » La mère. « Et tu grondais Lucas lorsqu'il offrait à manger à son frère ? Il a plus de charité que toi. Et c'est toi pourtant qui es le père du garçon. Tu dois le nourrir. » Le père Thomas. « Et qu'est-ce qui te dit que je lui refuse la nourriture ? C'est lui qui est un imbécile. Est-ce que je savais, moi, qu'il avait couru à son école sans avoir seulement mangé un morceau ? Mais assez comme ça. Le temps passe et l'ouvrage n'avance pas. Garde ton fainéant. Je pars avec les autres. » Le lendemain, Lucas demanda à son père la permission d'aller à l'école avec Gaspard. Le père Thomas. « Tu perds la tête, mon garçon. Vas-tu aussi me faire enrager avec ton école ? » Lucas. « Non, mon père. Mais le fort de l'ouvrage est fait. Il ne reste guère de trèfle à rentrer. Le maître n'aime pas qu'on s'absente. Voici les prix qui approchent. Et si nous manquons plusieurs jours de suite, nous n'aurons rien du tout, Gaspard et moi. » Le père Thomas. « Ah bien, si c'est ainsi, vas-y. Mais j'ai bonne envie de garder Gaspard. Le maître l'aime bien. Il n'y a pas de danger qu'il lui refuse des prix. » Lucas. « Tout comme à d'autres. Ça le vexe quand les bons élèves manquent, parce que l'inspecteur peut venir à passer pour interroger, et que si les savants ne s'y trouvent pas, ça n'a pas bon air pour l'école. » Le père Thomas. « Écoute, Lucas, tu veux m'en faire à croire. Tu ne te soucies pas plus de l'école aujourd'hui que tu ne t'en souciais hier. Tu veux y aller pour y faire aller Gaspard. » Lucas, riant. « Eh bien oui, vous avez deviné juste tout de même. Mais c'est que voyez-vous, mon père, Gaspard a trop de chagrin quand il ne va pas à l'école. Il n'en a pas dormi de la nuit. Et puis aussi, c'est qu'il ne savait pas comment se coucher. Il avait mal dans le dos, dans les épaules. » Le père Thomas, avec humeur. « c'est bon qu'il y aille. Et toi, tu resteras, puisque te voilà arrivé à tes fins. » Lucas remercia son père et courut annoncer la bonne nouvelle à Gaspard, qui l'avait laissé triste et se plaignant de souffrir. Lucas. « Gaspard, Gaspard, tu peux aller à l'école, mon père veut bien. Pars vite. Dis au maître d'école que je reste pour aider au trèfle. » Le visage de Gaspard rayonna de joie. Il remercia Lucas, déjeuna à la hâte et partit de suite, oubliant tous ses maux et courant aussi vite que la veille. En arrivant à l'école, il raconta au maître ce qui lui était arrivé. « Tu es un martyr de la science, » lui avait dit le maître d'école. « Quant à Lucas, il est bon garçon, mais il ne saura jamais rien. » À partir de ce jour, le père Thomas ne parla plus d'école. Gaspard y allait régulièrement, Lucas y manquait toutes les fois qu'il y avait du travail pressé à la ferme, et il y en avait souvent. On faisait grand cas de Lucas à la ferme. Gaspard y était compté pour rien, aussi profitait-il de ce dédain pour lire et écrire presque toute la journée. Chapitre 4. La distribution des prix. La distribution des prix approchait. Les enfants étaient agités, inquiets. Les paresseux Même ceux qui ne devaient rien espérer se demandaient quel prix ils pourraient avoir. Avant la distribution, on devait jouer une comédie composée par le maître d'école lui-même. Le théâtre était dans la cour, quelques arbres garantissaient quelques têtes des ardeurs d'un soleil ardent. Au premier rang des chaises et des banquettes figuraient le maire, l'adjoint et leur famille. Les parents arrivaient en foule. Lucas était déjà établi sur un banc avec son père et sa mère. Arrivés de bonne heure, ils avaient choisi une bonne place, à l'ombre d'un tilleul. Gaspard avait été nommé maître des cérémonies pour aider le maître d'école à maintenir l'ordre, à placer tout le monde et, après la comédie, à présenter les prix à distribuer. La cour était comble, l'heure sonna, un roulement de tambour annonça le lever du rideau qui s'ouvrit lentement, tiré par Gaspard et par un autre garçon nouvellement arrivé, et laissa apercevoir une forêt dans laquelle dormait un voyageur. Un voleur apparut à l'horizon et s'apprêtait à égorger et à dévaliser le voyageur lorsqu'un jeune homme qui traversait la forêt et qui portait à la main un gros bâton s'approcha lestement et sans bruit et asséna sur la tête du voleur un coup de bâton qui le fit tomber sans connaissance. Le voyageur, réveillé au bruit, crut d'abord que deux hommes avaient voulu l'assassiner, mais le jeune homme lui expliqua l'affaire, et ce dernier exprima sa reconnaissance. Voulut donner à son sauveur un rouleau de 1000 francs en or. Celui-ci, qui a une âme généreuse, refuse. Le voyageur l'emmène, arrive chez lui, garde le jeune homme, qui se trouve heureusement être pauvre et orphelin, lui donne une éducation soignée. Le jeune homme devient un savant, fait fortune, et tout le monde est content. Des applaudissements et des bravos se firent entendre plus d'une fois. À la fin, on demanda l'auteur, le maître d'école parut, amené par 6 de ses meilleurs élèves, une couronne descendit lentement sur sa tête, il salua, à droite, à gauche, au milieu, pendant que les applaudissements et les trépignements redoublaient, la couronne remonta au ciel, le maître d'école salua une dernière fois et sortit, laissant la place aux enfants qui allaient recevoir le prix de leur travail. Le théâtre se remplit de nouveau. Le maître d'école reparut, précédant le maire et l'adjoint, pour lesquels on avait apporté 2 fauteuils. Il commença l'appel. « Premier prix d'excellence, Gaspard Thomas !» cria le maître d'école. « Premier prix d'application, Gaspard Thomas !»« Premier prix de sagesse, Gaspard Thomas !» Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les prix fussent tous distribués. Les premiers prix furent tous gagnés par Gaspard. Lucas n'en avait mérité aucun, mais il avait fallu lui en trouver un, car, dans les campagnes normandes, un maître d'école qui n'en donnerait pas à quelques-uns des plus paresseux, des plus mauvais, aurait pour ennemis acharnés les parents et les familles des enfants rebutés. Lucas eut donc le prix de bonne humeur, qui le satisfit pleinement. À chaque prix, la couronne descendait sur la tête de l'élève et remontait pour descendre encore. Lorsque Lucas, le dernier de tous, dut la recevoir, la corde cassa et la couronne lui tomba sur le nez. De gros rires se firent entendre. Lucas justifia son prix en riant de bon cœur de l'accident. Gaspard pliait sous la charge de ses livres et des couronnes qui les avaient accompagnés. Lucas vint l'aider. Lucas. « Donne, donne, Gaspard, ma charge n'est pas lourde à porter. Je puis bien t'aider à porter la tienne. » Gaspard. « Pauvre Lucas, tu n'as pas eu grand-chose, il est vrai. » Lucas. « J'aime bien mon prix tout de même. Quant au prix de travail, je sais bien que je n'en mérite aucun. » Gaspard. « Comment veux-tu en avoir ? Tu manques sans cesse à l'école. » Lucas. « Ça, c'est vrai. Toutes les fois qu'il y a de l'ouvrage pressé à la ferme. » Gaspard. « Tu ne sauras jamais rien si tu continues. » Lucas. « Bah, j'en saurai bien assez pour faire marcher la ferme, et c'est tout ce qu'il faut à mon père. » « Tu as raison, Lucas, » dit le père Thomas. « La ferme te profitera toujours plus que tes livres. Ceux que Gaspard a gagnés sont jolis, je ne dis pas non, mais ils ne profitent pas autant que 100 bottes de trèfle. » Gaspard. « Ils me serviront à récolter 200 bottes de trèfle, là où vous en avez à peine 100, et c'est quelque chose. » Plusieurs personnes vinrent faire compliment au père Thomas de toutes les couronnes de Gaspard et rire un peu du prix unique de Lucas. « Ma foi, dit le père, j'aime autant, si ce n'est mieux, le prix de bonne humeur de Lucas que tous les prix de science de Gaspard. À quoi lui serviront-ils ? À perdre son temps et ses forces. » Le père Guillaume. « Ne croyez pas ça, père Thomas. Voyez les garçons du père Michel. L'un est un beau monsieur, l'autre est un clerc de notaire. C'est-il pas beau, ça ? » Le père Thomas. Ça leur fait une belle affaire d'avoir élevé si grandement leur garçon. Le grand flâne toute la journée et passe son temps à aller et venir sans rien gagner. Le second ne vaut guère mieux. Et les parents sont gênés, endettés. Ils vivent seuls dans leurs vieux ans, et rien ne marche chez eux. » De son côté, Gaspard n'était pas pleinement satisfait. Il ne pouvait se défendre de quelques inquiétudes sur son avenir. L'ambition pénétrait peu à peu dans son cœur et le rendait silencieux et maussade. Ses premiers succès semblaient l'attrister au lieu de lui donner le bonheur. Chapitre 5. Monsieur Frolichen. Pendant que le père Thomas causait avec ses amis, un monsieur très grand, très roux et très rouge s'approcha de Gaspard. « C'est fou, mon cher ami, qui avait su tous les bris !»« Oui, monsieur, » répondit modestement Gaspard. Monsieur Frolichen. « Hé, hé, c'est gentil, ça. D'où les bris ? Et quelle hache vous a fait ?» Gaspard. « J'ai 14 ans, monsieur. » Monsieur Frolichen. « Pien, pien, ponache pour trafailler. Comment vous appelez votre père ?» Gaspard. « Le père Thomas, monsieur. » Monsieur Frolichen. « Je voudrais bien lui dire une parole. » Gaspard. « Le voilà, monsieur, qui cause près de la porte. » Monsieur Frolichen. « Bon, j'y fais. Bien le bonjour. Ménère, je voudrais bien avoir votre fils. » Le père Thomas. « Pourquoi faire, monsieur ? Et lequel ?» Monsieur Frolichen. « Le jeune savant qui a cagné d'où les bris. » Le père Thomas. « Et qu'en voulez-vous faire ? Pourquoi vous le faut-il ? » Monsieur Frolichen. « Chez feu, lui faire prendre des leçons de méganique. » Le père Thomas. « Et à quoi que cela lui servira ?» Monsieur Frolichen. À devenir un bon contremaître. Le père Thomas. Ta-ta-ta, je me moque pas mal de vos contremaîtres. Dans ceux de Monsieur Ferréor, il n'y en a pas un qui aille à la messe seulement. Ils boivent leur argent au café et bousculent leurs ouvriers. Non, non, je ne donne pas mes enfants pour en faire des vauriens, des fumeurs, des coureurs de café. Monsieur Frolichen. C'est pourtant une chantie position que j'étonnerais à votre garçon. Le père Thomas. « Merci bien, monsieur, j'ai besoin de lui, et je le garde. » Monsieur Frolichen s'en alla mécontent. Il alla parler au maître d'école. Monsieur Frolichen. « Vous avez une jeune homme que je voudrais bien avoir, monsieur. » Le maître d'école. « Lequel, monsieur ? N'est-ce pas celui qui a eu tous les prix ?» Monsieur Frolichen. « D'où juste, meneur ? Je voudrais la foire, monsieur. » Le maître d'école. « Il faut le demander à son père, monsieur. » Monsieur Frolichen. « Mais le père ? Il ne veut pas le tonner. » Le maître d'école. « Alors, monsieur, il n'y faut plus songer. » Monsieur Frolichen. « Mais je le foutrais bien. » Le maître d'école. « Je n'y peux rien, monsieur. Ça regarde le père. » Monsieur Frolichen. « Ce diable de père, puisqu'il ne veut pas. » Le maître d'école. « Je suis bien fâché, monsieur. Mais le père ne voulant pas, il est impossible de l'avoir. » Le maître d'école rentra. Monsieur Frolichen partit, assez mécontent. « Tout de même. » « Je ne veux pas perdre de vue ce jeune garçon, ce diable de mère !» Le père Thomas s'en retourna avec sa femme, ses enfants et ses domestiques. Il fit compliment à Gaspard sur ses prix. « Et pourtant, dit-il, ton temps eût été mieux employé si tu avais fait comme Lucas. »« Lucas, mon père, qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui vous a parlé comme vous sortiez de l'école ?» Le père Thomas. « C'est un homme que je ne connais pas et qui m'a demandé à lui donner Gaspard. » Gaspard. « Pourquoi faire, mon père ?» Le père Thomas. Pour te faire apprendre la mécanique et faire de toi un contremaître. Gaspard. Et quand me prendra-t-il ? Le père Thomas. Il ne te prendra pas du tout. Tu crois que je vais te donner comme ça au premier venu, que je te mettrai dans une fabrique avec tous ces mauvais sujets qui jouent, qui boivent, qui ne mettent pas les pieds à l'église et qui n'arrivent qu'à se ruiner la bourse et la santé. Gaspard. J'en connais pourtant qui sont bien bons. Le père Thomas. Il n'y en a guère. Ils sont bons pour entraîner à mal faire. Mais ne va pas te mettre cette chose dans la tête. Je ne le veux pas et je n'en démordrai pas. » Le ton sec et positif du père Thomas empêcha Gaspard de répondre, mais il se dit en lui-même qu'il reverrait le monsieur et qu'il l'engagerait à insister malgré le refus de son père. Après quelques instants de silence, Lucas se mit à rire. « Dis donc, Gaspard, tes prix ne te donnent guère de gaieté. Au lieu d'avoir l'air heureux, tu as un air grave, mécontent, qui n'égaye pas. Vois donc, personne ne dit seulement une parole. » Gaspard. « Et que veux-tu qu'on dise ? » Lucas. « Je ne sais pas, moi. Mais quand on est content, on n'a pas l'air que tu as. » Gaspard. « J'ai l'air de tout le monde. » Lucas. « Pour ça, non. Quand, par exemple, le petit Mathieu et Julien sont descendus de l'estrade, le bonheur paraissait bien sur leur figure, quoiqu'il n'ait obtenu que des seconds prix. Et à la fin de la distribution, ils ont été embrasser leurs parents. Toi, tu n'as rien dit à mon père et à ma mère. Tu ne m'as même pas fait la moindre amitié. Et même, pour tout avouer, tu as l'air sournois et ennuyé. » Gaspard. « Parce qu'on me contrarie. qu'on ne me laisse pas faire mon chemin comme je l'entends. » Le père Thomas se retourna. « Qu'est-ce que vous dites, vous autres ? De quel chemin parlez-vous ? » Lucas, riant. « Du chemin de l'école, papa. Gaspard n'aime pas celui que nous prenons. » Le père Thomas. « Et par où veut-il donc passer ? » Lucas. « Ma foi, je n'en sais trop rien. Vous savez qu'il n'a pas des idées comme tout le monde. Nous voici arrivés, et nous allons nous régaler d'une galette que maman a fait cuire ce matin. » Le souper fut soigné, un lapin sauté, un ragoût de légumes au lard, et la galette avec de la grosse crème. La bonne humeur de Lucas fit revenir la gaieté que la maussaderie de Gaspard avait chassée. Après avoir bien mangé, bien ri, on sortit pour prendre l'air. Gaspard resta pour examiner ses livres. Lucas alla voir le petit Guillaume, qui n'avait eu qu'un prix d'encouragement. On finissait de souper quand Lucas entra. Lucas. « Eh bien, Guillaume, nos prix n'ont pas été lourds à porter. T'en affliges-tu ? » Guillaume. « Pour ça, non. Je savais bien que je n'en aurais pas. Le maître d'école ne fera guère de profit avec moi. » Lucas. « L'école ne me plaît pas non plus. Mais vois-tu, puisque nos parents payent notre apprentissage, il ne faut pas leur faire perdre leur argent. » Guillaume. « Ma foi, c'est trop difficile. Je n'ai pas de mémoire. Et puis, rester là, collé à son banc, à se creuser la tête pour ne rien savoir, c'est embêtant. Le grand malheur quand je ne saurais pas lire. » Lucas. « Moi, j'apprends tout de même. Ça ne va pas vite, par exemple, parce que je manque trop souvent. Mais je commence à lire dans le gros. Mon père ne sait pas lire, vois-tu, alors ça gêne quelquefois. » Guillaume. « Papa lit bien un peu, et ça va tout de même. Et Gaspard, en voilà un savant. Où est-il donc ? » Lucas. « Je crois qu'il a été voir le maître d'école. » Lucas ne se trompait pas. Gaspard était chez le maître d'école pour avoir quelques renseignements sur le grand monsieur Roux qui voulait l'avoir dans sa fabrique. Le maître d'école. « C'est un Allemand, » lui répondit le maître d'école, « un monsieur Frolichen, qui a une belle manufacture à 2 lieues d'ici. Il fait une rude concurrence à monsieur Ferréor. Mais il manque de sujets intelligents. Il voudrait t'avoir pour te faire apprendre la mécanique. Ton père a refusé. « Je le sais bien et j'en suis désolé, monsieur. Ne pourriez-vous pas en parler à mon père ? À quoi sert de me garder à la ferme, puisque je n'y aide pour ainsi dire pas ? Mon père veut absolument m'empêcher de travailler avec mes livres, et moi, je veux profiter de vos leçons, monsieur, et savoir ce qu'il faut pour être, comme dit monsieur l'Allemand, un bon contremaître. Mon père croit que les ouvriers de fabrique sont tous mauvais. Ce n'est pas vrai, cela, car j'en connais de très bons. » Le maître d'école. « Tous, non. Mais il y en a beaucoup. Et ton père a raison de ne pas te mettre avec tout ce monde-là, à l'âge que tu as. » Gaspard. « L'âge n'y fait rien quand on veut apprendre. » Le maître d'école. « L'âge y fait beaucoup, et je te répète que ton père a raison. Attends un an ou deux. Quand tu auras 16 ou 17 ans, nous verrons. Je parlerai à ton père. Mais à présent, non. » Gaspard ne fut pas content, mais il n'osa pas répondre au maître d'école, et il retourna tristement à la ferme. Tout le monde était sorti. « Tant mieux, » se dit Gaspard. « Je pourrai travailler sans être dérangé. » Il travailla jusqu'à la nuit et se coucha avant que les autres fussent revenus. Le lendemain, le père Thomas reçut la visite du commis principal de M. Ferréor. « Je viens vous voir, père Thomas, de la part de M. Ferréor. C'est pour vous demander votre garçon, celui qui a eu tous les prix. » Thomas. « Pourquoi M. Ferréor veut-il l'avoir ? Il n'a déjà que trop de monde. Que ferait-il d'un garçon de 14 ans ?» Le commis. « Ce serait pour achever de l'instruire et en faire un contremaître. » Thomas. « Je ne veux pas le placer avec tous vos mauvais sujets de la fabrique. Je garde mes enfants pour moi. Ils resteront où le bon Dieu les a fait naître. » Le commis. « Vous avez tort, père Thomas, vous avez tort. Votre fils vous échappera malgré vous. Il a de l'ambition, voyez-vous, et cette chose-là ne peut pas se retenir. » Thomas. « Nous verrons plus tard, quand il aura l'âge. » Lucas entra, l'air un peu effaré. Lucas. « Mon père, ce grand monsieur Roux, qui parle si drôlement, veut vous voir. Il a causé longtemps avec Gaspard, et il veut absolument vous parler. » Thomas. « Laisse-le venir. Que me veut-il encore, ce grand Allemand ? » Monsieur Frolichen. « Bonjour, Meiner, » dit monsieur Frolichen en entrant. « Je viens vous demander votre fils. » Thomas. « Ah ça, mais cela m'ennuie à la fin. Je vous ai dit l'autre jour, monsieur, que je ne voulais pas vous donner Gaspard. Je garde mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de me quitter. » Monsieur Frolichen. « Eh bien, il a l'âge, votre garçon, le bon âge, pour travailler et apprendre. » Le commis. « Monsieur, vous n'êtes pas du pays. Pourquoi venez-vous nous enlever nos enfants les plus distingués ? » Monsieur Frolichen. « Monsieur, chez les Brandes ou chez les Drouf, et cela ne vous regarde pas. » Le commis. Ça me regarde, monsieur, parce que mon maître, monsieur Ferréor, veut avoir Gaspard, et qu'il l'aura. Monsieur Frolichen. Non, monsieur, il ne l'aura point. Bère Thomas, je lui donnerai droit 100 francs. Baron, quand il sera habitué. Le commis. Je lui en donne 350. Monsieur Frolichen. Je lui paierai son abrandissage. Le commis. S'il tombe au sort, nous lui paierons un remplaçant. Monsieur Frolichen. Je lui donnerai une position bien plus agréable que chez vous. Le père Thomas écoutait les bras croisés, les offres de ces messieurs. Il faisait toujours signe que non. En voilà assez, dit-il enfin. Tout cela est très beau, mais je n'en veux pas. Bien le bonsoir, messieurs. Et le père Thomas rentra dans la ferme où on arrivait pour dîner. Quand Gaspard passa devant ces messieurs, il les salua bien bas et comprit le motif de leur visite, car tous deux avaient causé avec lui avant de parler au père Thomas. Aucun des deux ne lui rendit son salut tant ils se querellaient avec animation. Le dîner était fini, qu'ils disputaient encore, le père Thomas fut obligé de les prier de s'en aller.